sur les bancs de l'école, on apprend à entrer dans la ronde, à faire un peu comme tout le monde. Plutôt que de se faire remarquer, on préfère recopier avec soin toutes les bêtises du voisin. L'allure, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits. Y'a ceux qui espèrent gagner le tapis vert, le tiers c'est la loterie, comme d'autres attendent un messie. On a beau savoir, il est plus vain de croire, toucher un jour le gros lot, que les miches à Bardot. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits. Faut faire attention à ces bas de pantalon. Restez branchés, car demain tout peut changer. Une mode passe, une autre la remplace, et le troupeau reprend ses pattes d'éléphant. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits. Toutes les stars excellent dans l'art d'être des modèles. Les ricains votent Reagan en rêvant de Superman. Madonna gigote en perd sa culotte, et tous font du rock en baissant leur froc. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits. Mais un jour, aveugle et sourd, tous les supporters font du sport à leur manière. Ils gueulent à mort, c'est nous les plus forts, sur le terrain, mais aussi sur les gradins. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, tes moutons font encore des petits. La pub se répand à coups d'affiches de slogans. Elle envahit les rues, nos boîtes aux lettres n'en peuvent plus. Tout leur est permis pour placer leurs produits. À quand les spots à la messe, les autocollants aux fesses? Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, tes moutons font encore des petits. Qui s'inquiète de savoir, avant de mettre le nez dehors, si les astres sont d'accord. Mais brûlerait un stop si dans leur horoscope on leur avait promis la rencontre de leur vie. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits. Confus, on nous dira n'ayez plus de soucis à vous faire, voici venue la dernière. Tous à vos abris, les missiles sont partis, mais ni vous ni moi ne saurons pourquoi. Panurge, qu'as-tu fait? Regarde aujourd'hui, les moutons font encore des petits.